Vers 8 heures du matin, il surventa encore, et le vent, avec une vitesse de 18 toises par seconde, se fit ouragan. Il eut un instant où l'équipage crut que le yacht ne se relèverait pas. Mais le Duncan se redressa, mais sans appui sur les flots, sans direction, il fut ballotté épouvantablement. John Mangles n'avait plus qu'une ressource. La trinquette put être hissée sur l'étai de misaine et livrée à l'action du vent. Alors, le Duncan se prit à fuir, va arrière, avec une incalculable rapidité. Il allait ainsi dans le nord-est, où le poussait la tempête. Il fallait conserver le plus de vitesse possible, car d'elle seule dépendait sa sécurité. Quelquefois, dépassant les lames emportées avec lui, il les tranchait de son avant effilé, s'y enfonçait comme un énorme cétacé, et laissait balayer son pont de l'avant à l'arrière. En d'autres moments, sa vitesse égalait celle des flots. Son gouvernail perdait toute action, et il faisait d'énormes embardées qui menaçaient de le rejeter en travers. Enfin, il arrivait aussi que les vagues couraient plus vite que lui, sous le souffle de l'ouragan. Elles sautaient alors par-dessus le couronnement, et tout le pont était balayé, de l'arrière à l'avant, avec une irrésistible violence. Ce fut, dans cette alarmante situation, aux mille alternatives d'espoir et de désespoir, que se passèrent la journée du 15 décembre et la nuit qui suivit. John Mangles ne quitta pas un instant son poste. En effet, il pouvait tout craindre. Le Duncan, rejeteur de sa route, courait à la côte australienne avec une vitesse que rien ne pouvait enrayer. La côte ne devait pas se rencontrer à moins de 12 milles sous le vent. Or, la terre, c'est le naufrage. C'est la perte d'un bâtiment. John Mangles alla trouver Lord Glenarvan. Il lui dépeignit la situation, terminant en disant qu'il serait peut-être obligé de jeter le Duncan à la côte. « Pour sauver ce qu'il porte, si c'est possible, Milord. »« Faites, John, » répondit Glenarvan. « Et Lady Helena, Miss Grant ? Je ne les préviendrai qu'au dernier moment, lorsque tout espoir sera perdu de tenir la mer. Vous m'avertirez. »« Je vous avertirai, Milord. » Glenarvan revint auprès des passagères, qui, sans connaître tout le danger, le sentaient imminent. Vers 11 heures, l'ouragan parut mollir un peu, et dans une rapide éclaircie, John put voir une terre basse qui lui restait à 6 000 sous le vent. Il y courait en plein. « Nous sommes dans la main de Dieu, » dit John. « S'il n'en faut pas une passe praticable au Duncan, et s'il ne l'y conduit lui-même, nous sommes perdus. » John fit monter ses passagers sur le pont. Il ne voulait pas que lors du naufrage venu, ils fussent renfermés dans la dunette. Glenarvan et ses compagnons regardèrent la mer épouvantable. Mary Grant pâlit. Le Duncan n'était plus qu'à quelques encablures du pied des bancs. John Mangles eut une dernière idée. « L'huile » s'écria-t-il. « Mes enfants, filez de l'huile, filez de l'huile !» Ces paroles furent rapidement comprises de tout l'équipage. Il s'agissait de l'employer un moyen qui réussit quelquefois. On peut apaiser la fureur des vagues en les couvrant d'une nappe d'huile. Cette nappe surnage et détruit le choc des eaux qu'elle lubrifie. Les barils, contenant la provision d'huile de phoque, furent hissés sur le gaillard d'avant par l'équipage. Là, ils furent défoncés à coups de hache et suspendus au-dessus des bastingages de tribord et de bâbord. En 20 secondes, le yacht atteignit l'entrée de la passe, barré par un mascaret mugissant. C'était l'instant. « Adieu va !» cria le jeune capitaine. Les barils furent chavirés, et de leurs flancs s'échappèrent des flots d'huile. Instantanément, la nappe onctueuse nivela, pour ainsi dire, l'écumeuse surface de la mer. Le Duncan vola sur les eaux calmées et se trouva bientôt dans un bassin paisible au-delà des redoutables bancs, tandis que l'océan, dégagé de ses entraves, bondissait derrière lui, avec une indescriptible fureur.